Le grave est la racine du léger. Le calme est le maître du mouvement. De là vient que le saint homme marche tous les jours dans le Tao et ne s'écarte point de la quiétude et de la gravité. Quoiqu'il possède des palais magnifiques, il reste calme et les fuit. Mais hélas, les maîtres de 10 000 chars se conduisent légèrement dans l'Empire. Par une conduite légère, on perd ses ministres. Par l'emportement des passions, on perd son trône.